بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فaujourd'hui le 16 du mois de Al-Muharram de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 26e cours de notre série de cours sur l'explication des fondements de la sunna de l'imam Al-Mubaddal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Al-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Nous revenons quelques pages en arrière pour expliquer ce chapitre que j'avais délaissé la semaine passée pour les raisons que j'ai expliquées. Et nous commencerons le cours d'aujourd'hui par l'explication de ce chapitre, Inch'Allah Ta'ala. Ce chapitre qui a pour titre « Nous n'attestons de personne parmi les musulmans qu'il ira au paradis ou en enfer ». Il dit, rahimahullah ta'ala, dans le sens de ses paroles, « Nous n'attestons de personne parmi les musulmans qu'il ira au paradis ou en enfer à cause d'une œuvre qu'il aura pratiquée. Nous espérons pour le pieux, tout comme nous craignons pour lui, et nous craignons pour le pécheur, tout comme nous espérons la miséricorde d'Allah pour lui. » Il dit, « Hafidahullah ta'ala, Cheikh Rabi'a, en explication de cette partie où l'imam Ahmad dit dans le sens « Nous n'attestons de personne parmi les musulmans qu'il ira au paradis ou en enfer à cause d'une œuvre qu'il aura pratiquée. » Il dit « Hafidahullah ta'ala » dans le sens « Excepté la mécréance. Si c'est une mécréance en Allah ou un polythéisme, cela a un autre jugement. Quant au cas d'un péché, on ne juge pas qu'il ira au paradis ou en enfer s'il a pratiqué de bonnes œuvres. On espère pour lui le paradis. S'il a pratiqué des œuvres qui obligent l'entrée en enfer, on craint alors pour lui. » Bien sûr, dans le cours d'aujourd'hui, je vais détailler ce sujet. Et ce sujet est une base que l'on retrouve dans beaucoup de traités de la sunna, dans beaucoup d'épîtres écrites sur la croyance des gens de la sunna. Le fait que nous n'attestons pas d'une personne en particulier qu'elle est au paradis ou en enfer. C'est ce qui est voulu ici. C'est-à-dire que la croyance des gens de la sunna, pour résumer, c'est qu'il n'est pas permis de dire « un tel particulièrement est au paradis » ou « un tel particulièrement est en enfer » sauf ceux à propos de qui Allah tabaraka wa ta'ala a attesté de cela ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, dans le chapitre traitant des compagnons, nous avons vu ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Abu Bakr in fil jannah » Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, il a akhir le hadith où il évoqua les 10 compagnons qui ont été, ou à propos de qui il a été annoncé qu'ils étaient au paradis. Donc ces personnes-là, nous attestons, comme l'a attesté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont au paradis. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous attestons ces personnes-là en particulier qu'elles sont au paradis. Mais de dire par exemple, Abdallah est au paradis, Muhammad est au paradis, ceci ne fait pas partie de la croyance des gens de la sunna. De même, d'attester qu'une personne en particulier est en enfer. Bien sûr, nous dirons que les croyants, comme il va venir ici dans l'explication, les croyants, de manière générale, celui qui meurt sur la croyance monothéiste, al-tawhid, ce dernier finira au paradis. Et ceci même s'il en arrive à passer par le feu de l'enfer. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve tous du feu de l'enfer. Ceci est la croyance des gens de la sunna concernant cette affaire. Il dit ici, Hafidahullah, dans le sens, nous espérons pour l'obéissant, nous avons de l'espoir pour lui qu'il rentre au paradis. Et nous craignons pour le désobéissant, nous craignons pour lui le feu de l'enfer. On ne juge pas de façon catégorique que quelqu'un ira au paradis ou en enfer. Comprenez bien, attendez, on va détailler le sujet que vous compreniez bien, ce qui est voulu ici. C'est-à-dire que personne ne vient nous dire, c'est-à-dire que quelqu'un qui est mort en étant chrétien, en étant juif, en étant bouddhiste et autres, on n'atteste pas que cette personne-là fait partie des gens du feu. Non, on parle ici de musulmans. La personne qui est morte sur de la mécréance ou sur de la grande association, comme il est dit ici, cette personne-là est une personne qui fait partie des gens du feu. Cette personne-là ne rentrera pas au paradis. On ne dit pas qu'un chrétien qui est mort, nous ne savons pas si à la fin de sa vie, juste avant sa mort, il s'est repenti et il est rentré en islam. Non. Nous jugeons de ce qui est apparent de lui. Et si cette personne, effectivement, aura attesté juste avant sa mort de l'islam, eh bien, alhamdoulillah, notre témoignage ne lui causera pas de nuisance. Il aura la récompense qu'il mérite auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ici, il dit, hafidahullah, nous espérons pour l'obéissant et nous craignons pour le désobéissant. On ne juge pas de façon catégorique que quelqu'un ira au paradis ou en enfer. Car cela n'incombe qu'à Allah, azza wa jal. Excepté une mécréance évidente. Un juif ou un chrétien, le juif ou le chrétien, sont des mécréants avérés. Ce sont des gens qui ont mécru de manière avérée. On peut dire d'eux qu'ils sont en enfer. Nous sommes convaincus que le mécréant est en enfer. Et ceci est une chose qui est répandue malheureusement chez beaucoup de gens, parmi les gens de la masse ou parmi les gens parfois qui prétendent la science mais qui n'en ont pas même senti l'odeur. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit bien, et ici bien sûr on fait la différence entre la personne qui a cru au moment où a été envoyé tel et tel prophète, a cru et a pratiqué sa législation, on parle ici de ceux qui ont mécru après eux, après ces prophètes-là, ou ceux qui n'ont pas cru à l'islam, puisque l'islam est la religion de vérité et la religion qui abroge toutes les autres législations avant elle. C'est-à-dire qu'une personne qui aura cru en Moussa alayhi salam et qui aura pratiqué la religion et qui sera mort sur cela, à son époque ou après lui, dans ceux qui font partie de ceux qui pouvaient suivre cette législation, eh bien, cette personne-là, on ne dit pas que c'est un juif qui est en enfer. Ce n'est pas ça qui est voulu ici. Barakallahu fikoum. Faites bien la différence. Donc, nous disons que cette chose qui est connue chez les gens de la masse et chez certaines personnes qui, comme je l'ai dit, n'ont même pas senti l'odeur de la science, que le chrétien, comment pourrait-il être comme cela parmi les gens du feu? Comment pouvez-vous juger de cela? Telle personne qui a œuvré tant d'œuvres de bien. Alors que nous voyons que, d'après votre parole, le musulman qui est un pécheur connu et reconnu, c'est-à-dire une personne parmi les musulmans qui sera connue et reconnue comme étant un pécheur, cette personne, vous nous dites qu'il sera, au final, au paradis. Car il est mort sur la base de Tawhid. Comment? Bien sûr. Ceci est le jugement d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il dit dans son livre, Azza wa Jal, dans le sens, dans le verset 17 de Surat al-Ma'ida, la table servie, la Surat numéro 5, il dit, certes, on mécru, certes, sont mécréants, ceux qui disent, Allah est le Messie, fils de Marie. De même, il dit, tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, dans la même surah, dans le verset numéro 73, il dit, dans le sens, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois, c'est-à-dire la croyance de la Trinité, la croyance des chrétiens. Allah est le troisième de trois, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ceci est le jugement d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Nous n'avons tout rien dans la religion d'Allah, azza wa jal. Nous disons donc que ceux qui ont cette croyance, eh bien sans aucun doute, ce sont des gens qui ont mécru. Et celui qui a mécru n'est pas une personne qui pourra accéder au paradis d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car il a préparé son paradis pour ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres. Et bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, celui qui a mécru en l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien celui-ci est estimé comme un non-croyant. Il a mécru en l'envoi du dernier des prophètes, celui qui est venu comme le sceau des prophètes pour apposer le sceau sur la prophétie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prophète après lui, comme ceci est rapporté dans les textes, dans le Coran et dans la Sunna. Donc, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'appartient pas à une personne de vouloir se rapprocher d'Allah, de chercher à se rapprocher d'Allah azza wa jal par une autre législation que celle de l'islam, par une autre religion que celle de l'islam. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, certes la religion auprès d'Allah est l'islam. C'est ce qui est voulu ici. Donc il dit, hafidahullah, après cela, quant aux croyants qui pêchent ou qui obéissent, le pécheur comme l'obéissant, on ne juge pas qu'il ira au paradis ou en enfer. Cela incombe à Allah, c'est-à-dire ce croyant particulièrement, qui est un pécheur. On ne dit pas celui-ci est un pécheur, il est voué à l'enfer. Comme celui qui est connu parmi les gens comme étant quelqu'un de bonne moralité, de bonne religion, nous ne disons pas cette personne-là fait partie des gens du paradis. Non. Pourquoi ? Ici, on va le détailler dans le cours d'aujourd'hui. Et ceci fait partie des fondements des gens de la sunna. Cela incombe à Allah. Cela incombe à Allah. On espère pour l'obéissant et on craint pour le désobéissant. Nous espérons pour le vertueux et craignons aussi pour lui. Ceci est une phrase qui est généralement rapportée dans les traités de la sunna, dans les épîtres traitant de la croyance des gens de la sunna. On espère pour l'obéissant, on a cette espérance pour lui, qu'il fasse partie des gens du paradis, qu'il rentre au paradis, qu'il accède au paradis d'Allah Azzawajal, et on craint pour le désobéissant par ce qu'impliquent les péchés qu'il aura commis. Ou pour ce qu'impliquent les péchés qu'il aura commis. Cette phrase-là est une phrase qui est que vous retrouvez dans beaucoup d'épîtres traitant de la sunna, de la croyance des gens de la sunna. Il dit ensuite, « Nous espérons pour le vertueux et craignons aussi pour lui. » C'est-à-dire qu'on espère pour lui et nous craignons aussi pour lui. Ceci parce qu'il peut pratiquer de bonnes œuvres aux yeux des gens, alors qu'en réalité, il est à l'opposé. Ceci fait partie des causes pourquoi nous ne jugeons pas d'une personne, ceci même si en apparence il fait partie des gens de piété, que cette personne est au paradis. Car il peut œuvrer en apparence des œuvres de bien, mais la réalité de cette personne peut être autre que cela. Ici, Ash-Shir nous rapporte certaines de ses preuves. Il dit, « Il est arrivé qu'un homme se suicida au combat. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à son sujet, « Il est dans le feu. » Cette personne qui se suicida au combat. Il dit à son sujet, « Il est dans le feu. » Son apparence montre qu'il est combattant, mais l'intention est une autre chose. C'est-à-dire qu'une personne, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les gens lui faisaient des éloges et disaient de lui qu'il était parmi les gens du paradis, car c'était quelqu'un qui combattait dans le sentier d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un de ses compagnons le suivre, et ce compagnon vit que cette personne se suicida, c'est-à-dire qu'il a été atteint au combat, et n'a pas pu supporter la blessure jusqu'à en mourir, mais plutôt il posa son épée par terre et s'appuya sur son épée jusqu'à en mourir. Donc ceci est un suicide. Et le suicide, est-ce que c'est une chose, ayyuhal ikhwa, contrairement à une chose qui est connue par les gens de la masse, par beaucoup de personnes, est-ce que le suicide est une chose qui implique qu'une personne mécroit ? C'est-à-dire que, est-ce que le suicide, qui est un péché, est-ce que le suicide est une chose qui fait que la personne sera éternellement au paradis, éternellement en enfer, excusez-moi. Hein? Ahsantum. C'est-à-dire qu'une personne, alhamdoulillah, une personne qui se suicidera parmi les musulmans, nous disons que cette personne aura commis un grand péché. Mais la croyance des gens de la sunna, comme nous l'avons appris précédemment, est que la personne qui commet des grands péchés, cette personne-là, par ces grands péchés-là, ne sort pas forcément de l'islam. Elle sortira de l'islam si elle aura rendu, par exemple, licite le fait de commettre des grands péchés. Ceci est une autre affaire. Mais une personne qui aura commis un grand péché, à l'inverse de l'Khawarij, qui eux jugent de la mécréance d'une personne qui commet des grands péchés. À partir du moment où elle commet un grand péché, elle sort de l'islam. Ceci est la voie de Al-Khawarij. Mais la voie des gens de la Sunna est que la personne parmi les monothéistes, ceux qui pratiquent At-Tawhid, parmi les croyants, cette personne-là, même si elle commet un grand péché, elle ne sort pas par ce grand péché de l'islam. Et le suicide fait partie des grands péchés. Ce n'est pas un annulatif de l'islam. Barakallahu fikum. Chose qui est mal comprise par beaucoup de personnes. Nous pouvons entendre plusieurs personnes, parmi en particulier les gens de la masse, nous dire que telle personne, ce n'est pas un croyant, regarde, il s'est suicidé. Non, c'est un très grand péché le suicide, mais ce n'est pas un annulatif de son islam. Il dit ensuite, Hafidahullah, dans le sens, il y a aussi l'exemple de celui qui fut atteint par une flèche. Les compagnons lui dirent, celui-ci est un martyr, celui-ci est un martyr, jusqu'à ce qu'ils allèrent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, dans le sens, jamais la tunique qu'il s'est appropriée brûle sur lui. La tunique qu'il a sur lui brûle sur lui, c'est-à-dire que cette personne-là, en réalité, n'est pas un martyr. Et ceci nous amène à une autre affaire qui découle de cette affaire-là, le fait que nous ne disons pas, les gens de la sunna ne disent pas d'une personne qu'elle est un martyr. Elle n'atteste pas d'une personne en particulier que telle personne est un martyr. Comme le dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son sahih, il dit le chapitre, ou le sous-chapitre, la porte de « On ne dit pas un tel est un martyr ». On ne dit pas « un tel est un martyr ». C'est-à-dire on ne dit pas « un tel en particulier est un martyr ». On dit « celui qui aura combattu dans le sentier d'Allah et qui sera mort dans le sentier d'Allah est un martyr ». On dit, comme il est venu dans certains hadiths, que celui qui sera mort de telle ou telle manière, comme par exemple celui qui sera mort brûlé, c'est-à-dire sous les décombres d'un incendie, celui-là est un martyr. Celui qui sera mort batoun, c'est-à-dire ayant une maladie au ventre, et comme certains parmi les savants l'expliquent, c'est-à-dire d'une certaine ajallakumullah, colique chronique, qui a fait que à la suite de cette colique, eh bien, il sera mort, eh bien, cette personne-là est un martyr, comme il est venu dans le hadith. Mais on ne dit pas d'une personne qui sera mort de cette manière-là. Précisément, un tel fils d'un tel est un martyr. Pourquoi est-il un martyr? Parce qu'il est mort dans un incendie. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que celui qui mourait à la suite d'un incendie était martyr. Mais on n'atteste pas d'une certaine personne qui sera mort de cette manière-là. Particulièrement, celui-ci est un martyr. De même qu'on n'atteste pas d'une personne qui aura combattu dans le sentier d'Allah, qui sera mort dans le sentier d'Allah, précisément un tel fils d'un tel, que celui-ci est un martyr. Pourquoi? Comme vous l'avez entendu ici. Regardez, il y a l'exemple. Celui qui fut atteint par une flèche, les compagnons dirent, celui-ci est un martyr. Il a été atteint par une flèche. Il est mort dans le sentier d'Allah, Azza wa Jal, une flèche contre les ennemis de l'islam. L'a atteint. Mais pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, jamais la tunique qu'il s'est appropriée brûle sur lui. Donc il n'est pas martyr. Comme cela, l'exemple qui a précédé. Nous voyons aussi ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, d'après Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, où ce dernier dit, le jour de Khaybar, pendant la bataille de Khaybar, un groupe de compagnons sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ont dit, un tel est martyr, un tel est martyr. Jusqu'à ce qu'ils disent d'une personne, un tel est martyr. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, jamais. Donc ici, c'est la version entière de ce hadith qui est rapporté par Cheikh ici. Il dit, jamais j'ai certes vu dans le feu que cette personne portait une tunique qui brûlait sur lui, comme il est venu dans ce hadith, dans la version qui a été rapportée par Cheikh, ou dans le sens. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, ô fils de l'Khattab, donc il appelle Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et lui dit, ô fils de l'Khattab, va et fais l'annonce aux gens qu'il ne rentrera pas au paradis que des croyants, que les croyants. Il ne rentrera au paradis que les croyants. Et Omar radiallahu anhu de dire, je suis sorti, je suis allé appeler en disant aux gens, certes, il ne rentrera au paradis que les croyants. Ceci est la version entière de ce hadith. Et nous voyons que Al-Hafidh ibn Hajar, dans Al-Fath, Fath al-Bari, donc le commentaire du Sahih de l'imam al-Bukhari, dit, rahimahullah ta'ala, dans l'explication de ce sous-chapitre, ou du titre qu'a donné l'imam al-Bukhari à ce sous-chapitre, le sous-chapitre ou la porte de « On ne dit pas qu'une personne est martyr », il dit, rahimahullah, dans le sens, c'est-à-dire que nous ne disons pas qu'une personne est martyr, ceci lorsque nous attestons pour lui qu'il est un martyr. C'est-à-dire qu'on n'atteste pas pour cette personne en particulier qu'il est un martyr. Sauf par la révélation, comme je l'ai dit au début du cours. C'est-à-dire que lorsque il est venu dans la révélation, c'est-à-dire quand on dit al-wahy, la révélation, le Qur'an ou la sunna, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre a attesté d'une personne en particulier que celle-ci est un martyr ou que celle-ci en particulier est au paradis. Et Al-Hafid ibn Hajar dit, et comme cela, comme si l'imam al-Bukhari fait allusion à un hadith rapporté par Omar, où radiallahu an a fait un sermon, donc du vendredi, et a dit, vous dites lors de vos batailles, un tel est martyr, un tel est martyr, ou un tel est mort en martyr. Et il se peut que cette personne, à propos de qui vous dites un tel est martyr, ne l'est pas, dans le sens de ses paroles. Ne dites donc pas cette parole, c'est-à-dire un tel est martyr. Mais plutôt dites, comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est mort dans le sentier d'Allah, ou celui qui s'est fait tuer dans le sentier d'Allah, celui-ci est martyr. Et Al-Hafidh ibn Hajar de dire que ceci est un hadith qui est jugé bon, qui a été rapporté par l'imam Ahmed et par Saïd ibn Mansour. Donc ici, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, nous apprend la manière de se comporter dans cette affaire qui fait partie des affaires qui ont été rappelées par l'imam Ahmed ici dans les fondements de la Sunna. Il nous dit, ne dites pas une telle personne est martyr, telle personne est promise au paradis, mais dites plutôt comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui de manière générale, celui qui a fait telle affaire, celui qui a fait telle œuvre, cette personne-là est de telle manière. Celui qui a combattu dans le sentier d'Allah, celui-ci est un martyr, de manière générale, sans appliquer ce jugement à une personne en particulier. Puis il dit, rahimahullah, donc Al-Hafidh ibn Hajar dans Al-Fath, il dit, et donc selon cette explication, ce qui est voulu est l'interdiction de dire d'une personne en particulier ou de décrire une personne en particulier que cette personne est un martyr. Bien sûr, donc pourquoi je rappelle cette mas'ala, ce sujet-là dans ce chapitre où le titre du chapitre est « Nous n'attestons de personne parmi les musulmans qu'il ira au paradis ou en enfer ». Pourquoi ici on parle du martyr ? Ouais, Shabab. Fadal. Ahsant, parce que le martyr, celui qui meurt en martyr, celui-là est promis au paradis. Donc on évoque ce sujet-là qui a été évoqué par les gens de la Sunna à ce moment-là. Il dit donc, rahimahullah, ce qui est voulu ici, donc, c'est l'interdiction de dire d'une personne en particulier ou de décrire une personne en particulier comme étant un martyr. Mais plutôt, il est autorisé de dire ceci de manière générale. C'est-à-dire, celui qui sera mort de telle manière, celui-là sera martyr. Celui qui sera mort de telle manière, celui-ci sera martyr. Et donc, ici, Ashir de dire, Umul A'la administrait des soins à Uthman ibn Maz'oun, radiallahu anhuma, chez elle, lorsqu'il mourut. Elle dit à ce dernier, Ô Abba Sa'ib, Allah t'a comblé de grâce. Elle lui dit cette parole, Allah t'a comblé de grâce. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, dans le sens, qui te dira qu'Allah l'a comblé de grâce ? Qui te dira ? Tu dis, Allah t'a comblé de grâce. Qui t'informe de cela ? Qui te dira qu'Allah l'a comblé de grâce ? Par Allah, je suis le messager d'Allah et je ne sais pas ce qu'on fera de moi. Elle dit donc, radiallahu anha, je ne jugerai plus qui que ce soit en bien après lui. Puis elle vit en songe que le décédé, faites bien attention ici, et mettez des crochets autour de cette expression. Puis elle vit en songe que le décédé avait un œil qui courait. Elle alla en informer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui répondit, c'est son œuvre. Donc cet œil qui courait. Est-ce que quelqu'un comprend cette expression? Qu'elle avait un œil qui courait. Elle vit en songe que Uthman ibn Maz'oun, radiallahu anhu, ce grand compagnon, avait un œil qui courait. Quelqu'un comprend cette expression? Ceci est une erreur de la part de ce traducteur ici. Avait un œil qui courait. Vous pouvez mettre cela, comme je vous l'ai dit, entre guillemets. C'est une expression qui est étrange. En fait, ici, ce qui est voulu, c'est qu'elle vit en songe que cette personne-là, ce grand compagnon Uthman, avait une source qui coulait. Il lui a été donné une source. Vous comprenez, une source qui coulait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jugea que, interpréta donc ce songe en disant que cette source est ses œuvres. Une source, parce qu'en arabe, elle dit qu'il avait un aïn, tajri. L'aïn, c'est la source. Et donc cette personne-là, donc ce traducteur a traduit comme étant un œil. Donc vous pouvez mettre entre parenthèses et dire que, et écrire à côté une source qui coulait. Elle alla donc informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui répondit, c'est son œuvre. Il dit, Ashir, ce qui est à retenir est que tu ne dois pas confirmer qu'une telle personne ira au paradis ou en enfer. Écoutez ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme il est rapporté par l'imam Ibn Majah dans son livre de Sunan, avec une chaîne de transmission authentique, d'après Thauban, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Je sais certes que des gens de ma communauté viendront au jour du jugement avec des œuvres comme les montagnes de Tihama. » Et les montagnes de Tihama est une grande chaîne de montagnes qui se trouve, qui s'étend sur une longue distance, qui se trouve dans la péninsule arabique, qui s'étend sur une grande distance. Les montagnes de Tihama. Donc je sais certes que des gens de ma communauté viendront au jour du jugement avec des œuvres comme les montagnes de Tihama. Allah rendra ces œuvres, qui seront grandes comme les montagnes de Tihama, il les rendra en poussière éparpillée. Wal'iyadu billah. Ces gens qui viendront avec des grandes œuvres, un grand nombre d'œuvres, aussi grands que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrites comme étant grandes comme les montagnes de Tihama. Pourtant, Allah azza wa jal les rendra en poussière éparpillée. Et comme cela, ce hadith que vous connaissez tous, qui est rapporté par l'imam muslim, hadith al-muflis, donc celui qui est en faillite, où Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens de ses paroles, « Savez-vous qui est celui qui est fauché de ma communauté, celui qui est en faillite ?» Al-muflis. Les compagnons répondirent, « Celui qui est fauché, qui est en faillite, pour nous, est celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de bien. » Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, « Le désargenté dans ma communauté, celui qui est en faillite, celui qui est désargenté dans ma communauté, est celui qui viendra le jour de la résurrection avec des prières, du jeûne, des aumônes. Toutefois, il aura insulté un tel, calomnié celui-ci, mangé l'argent de celui-là, versé le sang d'un autre, frappé un autre. Il lui sera alors enlevé de ses bonnes actions et l'on distribuera à ses victimes ses bonnes actions. Et s'il n'a plus de bonnes actions avant de s'acquitter de ce qu'il doit, on prendra des péchés de ses victimes et on les lui endossera. Puis il sera jeté dans le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. » Regardez donc, celui-ci qui viendra avec des prières, jeûnes, aumônes, toutes ces grandes actions, qui à l'apparence, en apparence, c'est-à-dire aux yeux des gens, était une personne pieuse, une personne qui avait fait beaucoup d'œuvres. Mais regardez comment sera rendue ses œuvres au jour du jugement. Pourquoi ? À cause de ses péchés qu'il aura commis. Et ceci nous amène à une autre mas'ala, un autre sujet que je détaillerai à la fin du sujet ici, qui est ce qu'on appelle el-muazana, c'est-à-dire l'équilibrage entre les bonnes actions et les mauvaises actions, qui n'est pas le muazana. Faites bien attention à ce terme, el-muazana, l'équilibrage. Ce terme-là, vous l'entendrez beaucoup chez les gens de l'innovation. Lorsqu'ils parlent des gens de l'innovation, justement comme eux, et qu'ils veulent les excuser lorsqu'ils commettent ou qu'ils disent des paroles d'innovation. Ils disent, il n'est pas bon, il n'est pas permis de dire d'une personne que cette personne est un innovateur comme cela, ou c'est une personne qui a telle et telle erreur, alors que cette personne à côté de ses erreurs a aussi nombre et nombre de bonnes actions, ou nombre de choses qu'il est bon de rappeler. Donc, ils te disent, ces gens, et ceci est une erreur, et faites bien attention, cette règle que je suis en train de vous évoquer, sa meilleure place serait dans l'assise ouverte que l'on va faire après la prière de Dhuhr, mais ici on l'évoque car ceci est important puisqu'il nous vient l'évocation de cette parole, el-muazana, donc l'équilibrage. Ils disent, tu dois donc faire l'équilibrage, être juste, ils prétendent à la justesse, les gens de l'innovation. Et parmi les gens qui appellent à cela, Abul Hassan al-Ma'ribi, Ali Hassan al-Halabi et autres parmi les innovateurs, et des gens, comme je l'ai rappelé à de maintes reprises, faites bien attention à Yuel Ikhwa, des gens qui se prétendent de la Sunna, qui sont peut-être parmi les gens de la Sunna, mais qui ont pris ces règles-là, car ils ne font pas attention aux livres de réfutation, aux livres de réfutation, je parlerai un petit peu de cela aussi dans le cours d'aujourd'hui après la prière de Dhuhr. Ils ne font pas attention au livre de réfutation, donc ils ne connaissent pas les fondements de la réfutation et les fondements des gens de la Sunna concernant cela lorsque l'on parle sur un innovateur et nous le réfutons et nous mettons en garde contre lui. Donc des gens de la Sunna qui font partie de, comme on l'a dit la semaine passée, de l'Mukhaddila, el-Mukhaddilin, ceux qui délaissent les gens de la Sunna. Comment ils les délaissent? Comment ils ne les secourent pas? Par exemple, à ce moment-là, quand les gens de la Sunna ont parlé, ont éclairci le cas d'un innovateur, les savants de la Sunna ont éclairci le cas d'un innovateur, ont mis en garde contre lui, mais eux, ils disent non, cette personne-là, comment vous pouvez le délaisser de cette manière-là alors qu'il a aussi des bonnes actions? Il faut qu'on soit juste, il faut faire l'équilibrage. Non, ceci n'est pas la voix des gens de la Sunna. La voix des gens de la Sunna est qu'une personne, à partir du moment où elle a prononcé une parole d'ambiguïté, une parole d'innovation, cette personne-là, on doit réfuter cette parole-là, sans regarder ses bonnes actions. Et si cette personne a commis ou a dit nombre et nombre de paroles de l'innovation, même une seule parole d'innovation, comme on l'a vu ici dans les fondements de la Sunna, mais une parole d'innovation qui nous implique que nous jugeons de cette personne qui ne fait pas partie des gens de la Sunna, à partir de là, on ne regarde pas toutes les bonnes actions qu'il a faites. Ceci n'est pas la voix des gens de la Sunna. À partir du moment où une personne est sur l'ensemble de la Sunna, comme on l'a vu ici, mais par exemple autorise la révolte contre le gouverneur, on ne regarde pas que cette personne, sur tous les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, est en concordance avec nous, mais simplement il s'est trompé, il autorise la révolte contre le gouverneur. Ceci est un des fondements de la sunna. À partir du moment où une personne sera sur cela, elle fera partie de l'khawarij ou la karama. Et on ne regarde pas sur toutes ses bonnes actions. On ne fait pas ce qu'ils appellent el-muazana. Non, ceci est une erreur. Et nous voyons que cette règle-là est basée sur la règle de qui? Hein? Ahsantum, sur la règle des frères musulmans. Nous nous excusons sur ce sur quoi nous sommes en divergence et la règle, donc ce qu'ils appellent la règle d'or. Nous nous rassemblons Ahsant Hassan, nous nous rassemblons sur ce que nous sommes en accord et nous nous excusons les uns les autres sur les choses à propos desquelles nous sommes en désaccord. Regardez. Cette règle-là, qu'ils appellent la règle d'or, est la base de beaucoup de ces règles inventées et innovées qui sont même venues comme des ambiguïtés à certaines personnes des gens de la Sunna et qui les ont rendues mukhaddila, c'est-à-dire qu'ils délaissent la vérité, qu'ils délaissent les gens de la vérité, d'où est-ce qu'ils ne le voient même pas et d'où est-ce qu'ils ne le savent même pas. J'en parlerai un petit peu dans le cours d'aujourd'hui après la prière de Dhuhr dans l'assise ouverte, car c'est quelque chose qui est très important, une chose à laquelle on ne fait bien souvent pas attention. Comment tu peux juger de cette personne qu'il est comme cela? Comment tu peux délaisser cette personne alors que, regarde, c'est quelqu'un qui se dit être sur la sunna, qui se dit être salafi. Mais toi, tu dis que cette personne-là, il faut le laisser, il faut le délaisser. Ou tu dis que cette personne-là ne fait pas partie des gens de la sunna. Bien sûr, il a été à l'encontre d'un fondement des fondements des gens de la sunna. Un fondement qui fait partie des caractéristiques principales des gens de la sunna. Donc au moment où il aura été à l'encontre, il aura eu une caractéristique principale des gens de l'innovation. Donc ici, on parlera du sujet qui est Al-Muazana, mais selon la parole des gens de la Sunna concernant Al-Muazana. Ici donc, il dit, Ashir, ce qui est à retenir, c'est que tu ne dois pas confirmer qu'une telle personne ira au paradis ou en enfer. En particulier, une telle personne en particulier. Puis, l'imam Ahmed dit dans le sens, quiconque rencontre Allah après s'être repenti d'un péché qui exige l'entrée en enfer, sans toutefois continuer à le commettre, Allah accepte son repentir. Il accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne leurs péchés. Et Shir de dire, en commentaire de cette partie, il évoqua la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit dans le sens de ses paroles, « Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Ceci est un verset qui nous fait espérer en la miséricorde large et vaste et infinie de notre Seigneur, le Seigneur des mondes, Allah tabaraka wa ta'ala. Et il dit ici, hafidahullah, Allah aime le repentir, il aime les repentants et ceux qui se purifient. Nous espérons pour le repentant et nous ne nous prononçons pas en ce qui concerne son entrée au paradis ou en enfer. Nous espérons pour lui, Inch'Allah. Comme il est rapporté dans maintes et maintes hadiths, comme il le dit ici, Shir, il dit, il accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne leurs péchés, comme cela est mentionné dans plusieurs textes du Coran et des hadiths. Ils font comprendre qu'Allah accepte le repentir des repentants et en est content. Allah aime, comme il le dit dans ce hadith qui est rapporté dans As-Sahih, Allah est plus content. Allah est plus content du repentir de son serviteur croyant que l'un d'entre vous de retrouver sa monture après l'avoir perdue. Et dans certaines versions plus détaillée de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam détaille cette personne qui aura perdu sa monture en plein désert. Et sur sa monture, il y avait ses provisions, son eau et sa nourriture. Et cette personne qui revient à l'endroit, qui part pour chercher sa monture dans le désert, puis se dit, après ne l'avoir pas retrouvée, après avoir insisté dans sa recherche, je reviens à l'endroit où j'ai perdu ma monture et je vais rester ici jusqu'à mourir. Et cette personne qui s'endort à cet endroit-là, puis quand il se réveille, il trouve sa monture à sa tête, c'est-à-dire auprès de lui, il trouve sa monture avec ses provisions, son eau et sa nourriture. Vous imaginez la joie de cette personne. Allah Azza wa Jal est plus content du repentir de son serviteur, se repentir de ce serviteur qui aura péché, puisqu'il se repent. Il est plus content du repentir de son serviteur croyant que l'un d'entre vous lorsqu'il aura été dans l'état de cette personne-là qui aura perdu sa monture et sera résigné à la mort. Vous imaginez la miséricorde large et vaste et infinie de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ceci nous fait espérer sans aucun doute en sa miséricorde Tabaraka wa Ta'ala. Ici, je rappellerai les conditions de At-Tawbah. Écrivez-les si vous ne les connaissez pas. Les conditions de At-Tawbah. At-Tawbah, donc le repentir. Le repentir qui est une adoration à part entière, comme nous l'avons vu dans l'explication des trois fondements, de Al-Usul al-Thalatha, qui est une adoration à part entière. Donc, tu te repens à Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal accepte ce repentir et donc t'efface tes péchés. Mais en plus, dans ce repentir, dans lequel il y a un bien pour toi, sans aucun doute, dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà, Allah Azza wa Jal te rétribue pour avoir pratiqué cette adoration. Allahu Akbar. Les conditions de At-Tawbah sont au nombre de trois chez les savants. Ils évoquent trois conditions de At-Tawbah, du repentir. La première est le regret, de regretter cet acte à propos duquel tu te repens. Le deuxième est d'arrêter de pratiquer ce péché. D'arrêter de pratiquer ce péché. Et le troisième, la troisième de ces conditions est d'avoir la ferme conviction de ne plus revenir à ce péché. Ici, regardez bien, les savants ne disent pas la troisième condition est de ne plus revenir au péché. Car ceci est quelque chose qui peut arriver à beaucoup d'entre nous. De regretter le péché, d'arrêter de faire ce péché, puis après un temps, de revenir à ce péché. Mais plutôt, ils ont mis en condition d'avoir la ferme conviction au moment où tu fais taouba, pour que ce repentir soit accepté, d'avoir à ce moment-là la ferme conviction de ne plus y revenir. Et ce, même si tu y reviens plus tard, ça ne veut pas dire que cette adoration que tu as fait, qui est taouba, qui est le repentir, ne sera pas acceptée car tu es revenu au péché. Mais si à ce moment-là tu as été sincère envers Allah, tu avais la ferme conviction de ne plus revenir à ce péché, Allah Azza wa Jal acceptera ton repentir. Et ce, même si tu reviens à ce péché plus tard. Et à ce moment-là, tu te repentiras encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et Allah Azza wa Jal sera toujours plus joyeux d'accueillir le repentir de son serviteur que l'un d'entre vous lorsqu'il a égaré sa monture et qu'il la retrouve dans le désert comme il est venu dans ce hadith. Puis l'imam Ahmed de dire, quiconque rencontre Allah après avoir subi une peine légale dans la vie présente résultant d'un péché, une peine légale, donc les peines légales que nous avons évoquées dans le cours précédent et le cours d'avant, résultant d'un péché, cette peine constitue pour lui une expiation. Les peines légales, al-hudud, sont une expiation pour les gens qui subissent ces peines, comme il est venu dans le hadith. Ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est rapporté dans un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quiconque le rencontre en étant obstiné à ne pas se repentir des péchés qui exigent un châtiment, sa situation dépend d'Allah. S'il veut, il le châtie, et s'il veut, il lui pardonne. Et quiconque le rencontre tout en étant mécréant, il le châtie et ne lui pardonne pas. Cher de dire, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était au milieu d'un groupe de ses compagnons lorsqu'il dit: prêtez-moi serment d'allégeance selon lequel vous n'associerez rien à Allah, vous ne volerez pas, ni ne forniquerez, ni ne tuerez vos enfants, ni ne commettrez d'infamie de façon évidente, et que vous ne me désobéirez pas dans le convenable. C'est-à-dire le serment d'allégeance des femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens dirent: nous avons prêté serment pour cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque d'entre vous s'acquitte de cela, sa récompense incombe à Allah. Et quiconque commet l'une de ces choses puis en est châtié, c'est-à-dire châtié par une peine légale, dans cette vie présente, ce sera alors pour lui une expiation. Et quiconque commet l'une de ces choses puis Allah le couvre, c'est-à-dire qu'il a commis cette chose-là, mais que personne ne l'a su, donc on ne lui a pas appliqué la peine légale. Sa situation dépend d'Allah. S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie. C'est ce qu'on appelle Al-Mashi'a. On dit que cette personne, elle est sous Al-Mashi'a, sous le bon vouloir d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle est soumise au bon vouloir d'Allah, tabaraka wa ta'ala. S'il le veut, il le pardonne dans sa grande miséricorde. Et s'il le veut, il le châtie, tabaraka wa ta'ala. Il dit ensuite, Cheikh Hafidahullah, ainsi la situation du pécheur dépend de la volonté d'Allah, comme il dit dans une traduction approximative du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela il pardonne à qui il veut. Ici on parle de qui? De la personne qui s'est repentie? Lorsqu'on dit que cette personne est soumise au bon vouloir d'Allah tabaraka wa ta'ala, à sa volonté, on parle de celui qui s'est repenti? Hein? Non? Pourquoi? Hein? Celui qui est khlas, celui qui s'est repenti, celui-là, il est pardonné. Celui qui s'est repenti, Allah Azzawajal a effacé ses péchés. Comme il l'a promis, tabaraka wa ta'ala, comme il est venu dans ce verset et comme il est venu dans plusieurs ahadiths. Celui qui s'est repenti sincèrement, qui a réuni les trois conditions du repentir, eh bien cette personne-là, il est comme s'il n'avait pas commis de péché. Donc ici on parle de cette personne qui ne se sera pas repenti. Dans sa grande miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, même s'il ne s'est pas repenti, eh bien, il se peut qu'il lui pardonne dans sa grande miséricorde. Donc il est soumis, et ceci est une des bases, lorsqu'on parle de cela, chez les gens de la sunna, ils disent qu'il est soumis au bon vouloir d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il est soumis à sa mashi'a, à son bon vouloir, à sa volonté. Ceci est important. Écrivez-le les frères, car ceci, à l'inverse de Al-Khawarij et de Al-Mu'tazila, de ce qu'on appelle Al-Wa'idiyya, qu'on a déjà évoqué précédemment. Ici, une personne, s'il s'est repenti sincèrement, il est comme s'il n'avait pas fait de péché. Si cette personne ne s'est pas repenti, il est soumis à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il se peut qu'il le pardonne, il se peut qu'il le châtie pour ce péché qu'il aura œuvré. Ici, ceci nous amène à évoquer une chose qu'on a déjà évoquée, simplement, rapidement. Donc, les petits péchés, qu'on appellera, entre guillemets, les petits péchés, qu'on appelle as-sara'ir, les petits péchés, à l'inverse de Al-Kaba'ir, qui sont les grands péchés. On a les petits péchés, ces derniers sont pardonnés par la demande du pardon, Al-Istighfar, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, ils sont pardonnés aussi par certaines œuvres qui viennent pardonner ou qui viennent être une expiation pour ces péchés-là. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, dans le sens de ses paroles, du Jumu'ah au Jumu'ah d'après, de la Umrah à la Umrah d'après, du mois de Ramadan au Ramadan d'après, sont des expiations pour une personne du moment qu'il s'écarte des grands péchés, dans le sens de ses paroles. Donc, on comprend par sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, du moment qu'il s'écarte des grands péchés, que ici, cette expiation sera une expiation pour les petits péchés. As-sara'ir. Bien sûr, quand on dit petits péchés, c'est pour vous faire comprendre ce que est voulu par as-sara'ir. Mais en vérité, il n'y a pas, entre guillemets, de petits péchés. Ceci est une désobéissance à Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais ici, c'est par opposition aux grands péchés. On a certains péchés qui sont estimés, qui sont appelés par les savants comme sara'ir, entre guillemets, petits péchés, et d'autres grands péchés. Les petits péchés sont ceux qui sont pardonnés par al-istighfar, la demande de pardon, ou par certaines œuvres qui seront une expiation. Quand on dit du Jumu'ah, quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, du Jumu'ah au Jumu'ah prochain, c'est-à-dire la personne qui aura assisté au Jumu'ah jusqu'au Jumu'ah prochain, d'une prière à une autre, qui aura assisté à cette prière et à celle-là, qui aura pratiqué cette œuvre-là, qui aura pratiqué le mois de Ramadan et qui aura pratiqué le mois de Ramadan. Si tu auras pratiqué le mois de Ramadan de cette année comme il se doit et le mois de Ramadan de l'année prochaine comme il se doit, c'est une expiation pour tous les petits péchés, entre guillemets, encore une fois, qui auraient été commis entre ces deux mois de Ramadan. Et par opposition, donc, Al-Kaba'ir, les grands péchés. Et ces grands péchés, j'avais déjà évoqué leur définition dans des cours précédents. Ces grands péchés qui seront pardonnés par At-Tawbah, qui demande une Tawbah, qui demande un repentir. Ici, il dit, Al-Shir, Hafidahullah, ceci étant, Si le pécheur meurt, sa situation dépend de la volonté d'Allah. S'il veut, il lui pardonne, sinon il le châtie. Il est le pardonneur, le miséricordieux, le patient. Tabaraka wa ta'ala. Certains viendront avec des péchés atteignant la hauteur des montagnes, et Allah leur pardonnera. À l'inverse de celui qui viendra avec des bonnes œuvres à la hauteur des montagnes, et qui seront rendus en poussière éparpillée pour ces mauvaises actions qu'il aura commises. Certains viendront avec des péchés à la hauteur des montagnes, et Allah Azza wa Jalla, dans sa grande miséricorde, tabaraka wa ta'ala, les leur pardonnera. L'homme au registre, que j'ai déjà évoqué précédemment, si vous vous rappelez, lequel viendra avec des péchés enregistrés dans 99 registres, dont la longueur est à perte de vue, la longueur de ces registres s'étendra à perte de vue, et apportera, on viendra poser ces registres sur un des plateaux de la balance, et sur l'autre plateau de la balance, une carte sur laquelle sera marqué « La ilaha illallah », c'est-à-dire qu'il viendra avec cette œuvre, cette grande œuvre, la parole d'unicité « La ilaha illallah », et cette parole d'unicité prendra le dessus sur ces 99 registres qui s'étendront à perte de vue, qui seront posés sur l'autre plateau de la balance. Donc, par cette œuvre-là, Allah Azza wa Jalla lui pardonnera ses péchés, ce grand nombre de péchés. Nous voyons aussi ce hadith que j'avais évoqué la semaine passée, qui se trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il n'y a pas de serviteur qui dit « La ilaha illallah » sans que... il n'y a pas de serviteur qui dira « La ilaha illallah » puis mourra, donc sur cette parole de tawhid, sans que Allah Azza wa Jalla le fasse entrer au paradis. L'importance de tawhid et de cette parole d'unicité qui nous convient à tous de connaître, d'apprendre, de connaître ses conditions de validité, et il nous convient à tous d'appeler à celle-ci. Car ceci est la base, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il le dit Allah Azza wa Jalla, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. C'est-à-dire qu'une personne qui aura fait toutes les œuvres de bien possibles, mais qui viendra en associant à Allah tabaraka wa ta'ala de la grande association, toutes ces œuvres de bien seront rendues comme de la poussière éparpillée, comme il est venu dans le verset, et cette personne sera du nombre des gens du feu éternellement. Wal'iyadu billah. Il dit ensuite, Shir, le monothéiste qui rencontrera Allah sans l'avoir associé à la fin de sa vie sera pardonné et sorti de l'enfer. Et quiconque le rencontrera tout en étant mécréant, il le châtiera et ne lui pardonnera pas. Dans une traduction approximative, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Je termine ici ce chapitre par ce que j'ai évoqué, donc El Muazana. Vous avez compris cette parole-là lorsque les gens de l'innovation disent El Muazana, ce que j'ai expliqué dans le cours. Ici, ce qui est connu chez les gens de la Sunna comme étant El Muazana, c'est aussi une autre chose encore. Donc on a le pardon et la miséricorde infinie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il pardonne lorsqu'une personne lui demande pardon, lorsqu'une personne se repentit à lui. Il pardonne lorsqu'une personne aura commis un péché qui impliquera une peine légale et que cette peine légale lui sera appliquée. Rapprochez-vous s'il vous plaît les frères. Barakallahu fikoum. Il pardonne à deux maintes et maintes reprises Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il pardonne aussi donc une personne qui sera mort sans se repentir, il sera aussi soumis à sa miséricorde, à son bon vouloir tabaraka wa ta'ala. S'il le veut, il lui pardonne. Même si cette personne est morte et elle ne s'est pas repentie. Naam, il lui pardonne s'il le veut, et s'il le veut, tabaraka wa ta'ala, il le châtie. Il y a aussi, pour finir ici, ce qu'on appelle El Muazana, ce que les gens de la Sunna appellent El Muazana, c'est-à-dire l'équilibrage. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, il sera fait pour certaines personnes l'équilibrage entre ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Comme il est venu dans le hadith de l'Muflis, le désargenté, celui qui est en faillite. C'est-à-dire qu'on verra les bonnes actions, on regardera au moment du jugement les bonnes actions de cette personne et on regardera ses mauvaises actions. Et il est possible que ses mauvaises actions prennent le dessus sur ses bonnes actions. À partir de là, cette personne-là, ses bonnes actions ne seront pas estimées. Donc on donnera de ses bonnes actions à la personne qui l'aura insulté, qui l'aura frappé, qui l'aura, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de bonnes actions. Et à ce moment-là, on prendra même des mauvaises actions de cette personne. De même, une personne qui sera morte en ayant fait beaucoup de mauvaises actions, on regardera aussi, au jour du jugement, ses bonnes actions. Il sera regardé ses bonnes actions. Il se peut que ses bonnes actions, si peu et si infime soit-elle, prenne le dessus sur le grand nombre de ses mauvaises actions. Et c'est ce qui est voulu par ce hadith qui est appelé hadith ou sahib al-bitaqa, donc le hadith de celui qui a la carte sur laquelle est venu marquer la ilaha illallah, qui prendra le dessus sur ses 99 registres de mauvaises actions. De même que dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua une prostituée, donc une personne de mauvaise, de très mauvaise mœurs, cette prostituée qui rentrera au paradis pour avoir donné à boire à un chien. Un chien qui avait besoin de boire, qui était assoiffé, cette prostituée qui est une personne de très mauvaise mœurs rentrera au paradis parce qu'elle a abreuvé ce chien. Donc c'est-à-dire que cette bonne action a été une cause de son entrée au paradis par rapport à tous ces péchés qu'elle a pu œuvrer, une personne prostituée. Donc c'est ce qu'on appelle ici, chez les gens de la sunna, ce qu'ils appellent al-muazana, l'équilibrage entre les bonnes et les mauvaises actions. C'est une autre manière aussi qu'Allah Azza wa Jal a de juger certaines personnes et de faire prendre le dessus sur leurs bonnes actions, si infimes soient-elles, sur leurs mauvaises actions, ceci dans la miséricorde infinie de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Il nous reste 10 minutes, incha'Allah ta'ala. On commence ce sujet, incha'Allah, on va essayer de le finir car il est rapide et c'est un sujet qu'on a déjà traité précédemment. Est jugé innovateur en religion quiconque méprise un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed nous dit, rahimahullah, quiconque méprise un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou le déteste à cause d'une erreur ou parle de ses défauts est un innovateur, à moins qu'il implore la miséricorde d'Allah pour eux tous et que son cœur soit pur à leur égard. On a déjà évoqué le sujet traitant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va juste lire rapidement cette partie-là. Il dit, Havidahullah, cela fait partie des principes des hommes de la sunna, c'est qu'il n'est pas autorisé de mépriser un des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni de parler de ses défauts ou une erreur de sa part, si cela est avéré. Avec toute la grande désolation, c'est-à-dire que nous sommes désolés pour le fait que cette personne parmi les compagnons soit tombée dans une erreur, mais cela, ceux qui le font souffrent d'une, ceux qui font cela, c'est-à-dire qu'ils parlent sur une des erreurs de l'un des compagnons souffre d'une déficience en religion, d'un manque de considération pour les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour les dogmes de l'islam. Puis il dit, Havidallah, ceux-là, on ne peut pas leur faire confiance au sujet de la religion d'Allah. On les classe au même rang que Ar-Rafida, les chiites, parce qu'ils défendent ce chiisme. Une des bases du chiisme de Ar-Rafida est le fait, comme je l'ai évoqué précédemment, qu'ils rendent mécréants, ils jugent de mécréants, ils ne se contentent pas de parler uniquement sur eux, mais ils jugent de la mécréance de la grande majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une personne qui lui parlera sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ressemblera. Et certaines personnes, parmi les gens qui s'apparentent aux gens de la sunna, sont tombées dans cela, comme je vais l'évoquer. Parce qu'ils défendent, on ne peut pas leur faire confiance à ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'ils défendent ce schisme, ils défendent cette déviation dogmatique et ils défendent cette mécréance. Ils défendent les livres qui renferment ces blasphèmes. Ils font alliance et désaveu sur cela. Ces gens, on ne peut pas leur faire confiance au sujet de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Encore une fois, cette règle que j'ai évoquée précédemment, at-ta'nu fi an-naqili, ta'nu fil manqul, c'est-à-dire que la critique de celui qui rapporte l'information, en réalité, est une critique de l'information elle-même. Ces gens, que ce soit al-Shi'a, al-Rafida, comme autres qu'eux, qui parlent sur les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, ils veulent parler sur l'islam. Car ce sont eux qui nous ont rapporté toutes les traditions prophétiques jusqu'à nous. Donc à partir du moment où ils parlent sur Abu Huraira, radiallahu anhu, qui est la personne qui rapporte le plus de hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils veulent en réalité parler sur la religion de l'islam. Qu'ils le sachent pour certains d'entre eux consciemment ou qu'ils ne le sachent pas. Lorsqu'ils parlent sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité ils parlent sur l'ensemble de l'islam. Car c'est eux qui nous rapportent les traditions prophétiques et c'est eux qui nous rapportent les règles de notre religion. Ceci est très important de bien faire attention à cela, à cette règle. La critique de celui qui rapporte l'information est une critique en réalité de l'information. Ils ont parlé sur Abu Huraira, ils ont parlé sur Muawiya, Ibn Abi Sufyan, ils ont parlé sur Al-Shaykhayn, Abu Bakr et Omar. Qu'est-ce qu'ils veulent par cela. Ils ont parlé sur notre mère Aïcha, radiyallahu anha. Les gens sur lesquels ils ont parlé, sur lesquels ils ont le plus parlé, sont ceux qui ont le plus rapporté de tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont le plus vu et accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils veulent par cela? Que ce soit des chiites, rafida ou autre que cela. C'est la religion d'Allah, c'est le dogme des hommes de la sunna et du consensus. Comment dites-vous, nous faisons partie des hommes de la sunna et du consensus alors que vous êtes dans une vallée et eux, les gens de la sunna et du consensus sont dans une autre. Toutefois, lorsque nous empruntons une vallée on vous trouve avec les hommes d'innovation religieuse. Toutefois, lorsque nous empruntons un sentier des hommes de la sunna, nous constatons que vous êtes dans un autre sentier. Vous défendez et protégez les hommes d'innovation religieuse et d'égarement. Je jure par Allah qu'ils ont établi des règles et des méthodologies et ont tout fait pour protéger les hommes d'innovation religieuse. Comment peuvent-ils être du nombre des hommes de la sunna? Comme cela, comme je l'ai dit, cette règle de l'muazana chez les gens de l'innovation, ils l'utilisaient beaucoup pour protéger cette personne qui fait partie d'une des têtes des gens de l'innovation de nos jours, Sayyid Qutb. Cette personne qui a rassemblé, comme nous le disent nos savants, tous les égarements des sectes de l'islam, ou un grand nombre d'égarements des sectes de l'islam. Comme cela, cette personne Sayyid Qutb, on a dit que c'était la tête des gens qui appelaient au takfir, c'est-à-dire à l'excommunion, le jugement de la mécréance de la grande majorité des musulmans, à commencer par leur gouverneur. Cette personne-là, ce grand égaré Sayyid Qutb, est aussi une personne qui a parlé sur les prophètes d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dit des mauvaises paroles et des critiques, sur les prophètes d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il l'a dit sur Moussa, alayhi salam, comme cela sur les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dénigre Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le troisième des califes bien guidés, lorsqu'il dénigre Muawiyah, comme beaucoup d'autres parmi les gens de l'innovation, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhum, et autres que cela. Parmi leurs règles, inventées et innovées, ils disent, ce sont des hommes et nous sommes des hommes aussi. Ils donnent une parole de vérité dans laquelle se cache un grand poison. Ils disent, les compagnons sont des hommes, ils peuvent se tromper. Nous sommes des hommes aussi, nous pouvons nous tromper. Ce sont des hommes. Pourquoi prendrons-nous leurs paroles au lieu de prendre nos paroles aussi? Ce sont des hommes, nous sommes des hommes. Non, ce sont des hommes, certes, mais ils sont, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les hommes. Comme il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté de certains parmi les compagnons, pardon, radiyallahu anhum, qui rapportent comme dans le sahih, où les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se jetaient les uns les autres de la pastèque, c'est-à-dire de l'épluchure de pastèque, c'est-à-dire qu'ils plaisantaient entre eux, ils avaient cette manière de vivre. Ils plaisantaient entre eux, ils se jetaient des épluchures de pastèque entre eux. Ils faisaient une bataille de pastèque, comme on pourrait le dire. Et lorsque venait l'affaire, كَانُوا هُمُ الرِّجَالِ, ils étaient eux, les hommes. C'est-à-dire qu'ils étaient des gens qui savaient plaisanter et rigoler, mais lorsque venaient les affaires sérieuses, ce sont eux, les hommes. Ces hommes qui ont défendu la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui ont secouru la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui l'ont rapporté jusqu'à nous. S'il n'y avait pas les compagnons, Comment aurions-nous connu la religion d'Allah Azza wa Jal? Donc cette parole est une parole très grave. Ce sont des hommes et nous sommes des hommes. Nam, c'est vrai, ils se sont trompés. Ils ont fait des erreurs à tel et tel moment. Ils n'ont pas connu la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour certains d'entre eux et d'autres d'entre eux leur ont rappelé la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais ce sont eux les compagnons du prophète sallam qui nous ont rapporté la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme le dit Allah azza wa jal à leur propos, ces hommes, les hommes, il dit azza wa jal, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. C'est-à-dire qu'ils n'ont changé en aucune manière leur engagement qu'ils avaient pris envers Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ici, Ashir, on doit les assimiler aux hommes d'égarement. Donc ces personnes qui parlent sur les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci, même s'ils ne s'apparentent pas aux chiites, rafida et autres, mais ces personnes-là, à partir du moment où ils parlent sur les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est le cas, ayyuha al-ikhwa, ce sujet-là n'est pas quelque chose que il n'y a que les chiites rafida qui parlent sur les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non, il y a des personnes qui s'apparentent aux gens de la sunna, comme je l'ai dit, donc des grands innovateurs comme Sayyid Qutb, qui est la tête des innovateurs la tête des gens du tekfir de notre époque, mais aussi d'autres personnes, et en particulier ces dernières années dans les médias, c'est-à-dire les journaux, les médias comme les chaînes de télévision, etc., etc. Certains qui parlent sur, en particulier comme je l'ai dit, Abu Huraira, et qui le critiquent, de même que Muawiya ibn Abi Sufyan, de même que les imams qui ont écrit ces livres de recueil de hadith, comme l'imam al-Bukhari. On a entendu ces dernières années, en particulier par ce genre de personnes, donc des gens qui travaillent dans les médias, critiquer le sahih de l'imam al-Bukhari, par exemple, en disant qu'il n'est pas réellement authentique. Il y a beaucoup de hadith à critiquer, beaucoup de hadith critiquables. Qu'est-ce qu'ils veulent par cela? Qu'est-ce qu'ils veulent par cela? On est toujours sur cette règle évoquée par les gens de science. At-ta'nu fil naqil, ta'nun fil manqul. La critique de celui qui rapporte l'information est en réalité une critique de l'information elle-même. Prenez garde donc à ces personnes qui, lorsqu'elles rapportent ces paroles-là, alors que pour la plupart d'entre eux, comme je l'ai dit, ce sont des gens qui travaillent dans les médias, des journalistes et autres, donc ce ne sont pas des gens qui sont spécialisés dans la science religieuse, c'est une première chose, et la plupart de ces gens-là philosophent en disant que, ou en prétendant être intelligents, avoir compris ce que ceux qui les ont précédés n'ont pas compris, avoir vu ce que ceux qui les ont précédés n'ont pas vu, en particulier parmi les savants du hadith, comme les grands savants de Al-Jarh wa Ta'dil, la science de la critique et de l'éloge, qui sont ceux qui, par leur intermédiaire, la religion a été préservée, ceux qui font la différence entre la monnaie véridique de la fausse monnaie, des faux billets, comme on pourrait dire aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui font la différence entre les ahadiths qui sont authentiques de ceux qui ne le sont pas. Ces gens qui préservent la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ces gens-là qui travaillent dans les médias, journalistes et autres, qui ont critiqué le sahih de l'imam al-Bukhari, entre autres, et en particulier, veulent nous faire croire, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, nous faire croire qu'ils sont plus intelligents, ils sont plus minutieux que les savants du hadith. Parmi eux, une personne qui s'appelle Ibrahim Issa, et autres que cela, parmi les gens de l'innovation qui ont critiqué les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses recueils de hadiths qui ont été acceptés par l'ensemble de la communauté comme étant des recueils authentiques, le recueil de l'imam al-Bukhari et le recueil de l'imam muslim. Il dit ici, hafidahullah, on doit les assimiler, donc ces gens-là, aux hommes d'égarement, d'innovation religieuse, de rawafid, etc. Même s'ils prétendent être opposés aux rawafid, on n'accepte pas cela d'eux. On ne leur fait pas confiance pour nos enfants. Écoutez cette parole de Cheikh Rabi ici. Actuellement, nos enfants sont dans des écoles et des universités dans lesquelles il y a des hommes d'innovation religieuse. Ces gens les éduquent. Ils grandissent dans cette corruption, cet égarement, cette perdition, cet éloignement et cette instabilité avec les jeunes de la communauté par rapport à la méthodologie et le manhaj des hommes de la sunna et du consensus. Dommage que les jeunes leur obéissent. On accorde une confiance aveugle à ces traîtres qui jouent avec la conscience des jeunes. Sachez, ayyuhal ikhwa, pour ceux qui ont des enfants, que le précepteur, l'enseignant, l'éducateur passe plus de temps que vous-même avec vos propres enfants. Ceci est une réalité. Quand tu es au travail, tu dois travailler puisque c'est une obligation à tout à chacun pour pouvoir nourrir sa famille. Ce n'est pas une chose qui est blâmable. Mais quand tu es au travail pendant tant d'heures dans la journée et que ton fils ou ta fille sont à l'école, toutes sortes d'écoles confondues et dans n'importe quel pays confondu. Ici, vous avez écouté la parole du Cheikh Rabi, Hafidahullah, vos enfants qui sont pendant 7 heures d'affilée à l'école avec le maître ou la maîtresse. Regardez en plus les noms qu'il leur donne. Avec le mu'allim ou le mu'allima. Qui sont avec eux, qui les éduquent, qui leur véhiculent leurs pensées et leur méthodologie et leurs croyances. Et toi, à la fin de la journée, que tu rentres à la maison et que tu es bien souvent fatigué, et ceci encore une chose, c'est une chose sur laquelle tu n'es pas blâmé, car c'est une obligation pour toi de pouvoir nourrir ta famille. eh bien tu passeras avec tes enfants une ou deux heures, et ceci au grand maximum. Et le week-end, tu as les choses à t'occuper de la maison, etc., etc., etc. C'est un appel, ayyuhal ikhwa, à vraiment s'asseoir avec nos enfants, à les suivre, à être derrière eux, comme je l'ai évoqué vendredi lorsque j'ai parlé de ce cours sur la musique, à être derrière eux, à savoir ce qu'ils font, à savoir avec qui ils traînent. À, quand je dis ils traînent, donc bien évidemment, je parle par exemple à l'école, qui sont leurs camarades d'école et autres que cela, parce qu'on ne cautionne pas le fait de traîner dans les rues, bien sûr, mais les gens avec qui ils sont, etc. Et bien demander à propos de ce que leurs enseignants leur disent. Je me rappelle juste une anecdote comme cela. Un enfant qui a été un enfant que j'ai, à qui j'ai enseigné pendant ces années où j'étais enseignant dans l'école de notre cher Cheikh Khalid Abou Abdel A'la en Égypte. Cet enfant, quand il est venu pour la première fois à l'école, il avait 11 ans. Il était dans une école avant cela qui n'est pas une école sur la sunna. Ses parents l'avaient mis donc dans une école qui n'est pas sur une école des gens de la sunna, puis ils l'ont ramené chez nous. Il est resté peut-être un an et demi comme ça chez nous, et après il est reparti, il est revenu après, il avait 15 ans à la deuxième fois qu'il est revenu étudier chez nous. Cet enfant-là, je me rappelle d'une parole qu'il a dit, il m'a posé la question, donc j'étais leur enseignant de la croyance, l'aqida, et il m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que c'est vrai que Allah s'est créé lui-même? C'est une parole qui est lourde. Comment ceci vient dans la tête d'un enfant? En plus, à 11 ans, l'enfant est quand même... C'est un enfant qui approche l'adolescence, comme on le dit, et pour certains d'entre eux sont même déjà adultes. Et ce qui m'a étonné, quand je lui ai demandé où est-ce que tu as entendu ça, il m'a dit c'est Al-Mu'allima, donc une enseignante comme ça, dans l'autre école où est-ce qu'il était, une école qui n'était pas sur la sunna. Une école musulmane, cette mu'allima était une femme qui était habillée avec l'habit shar'i, avec l'habit légiféré. Et c'était une école qui enseignait la religion. Donc quelque chose que chez certaines personnes, ils peuvent se dire, voilà, bon, c'est une bonne école, on va dire, entre guillemets. Mais c'est une école qui n'était pas sur la voie des gens de la sunna. Et regardez comment ils ont éduqué les enfants d'un frère et d'une sœur qui étaient sur ce manhaj. Et donc je lui ai expliqué l'affaire. Et je lui ai corrigé cette croyance. Il est parti, donc j'ai dit, il avait 11 ou 12 ans à cette époque-là. Il est revenu chez nous, il avait 15 ou 16 ans. Quand il est revenu chez nous à 15 ou 16 ans, il m'a posé la même question. Je lui avais expliqué. Il est reparti dans une école qui n'est pas sur la méthodologie des gens de la sunna. Pendant quelques années, il est revenu chez nous, il m'a posé exactement la même question. Regardez l'éducation. Et ses parents, tout ça pour dire aussi que ses parents sont des gens qui sont sur la sunna. Ce sont des salafis. Mais malgré ça, cette éducation qu'il a reçue à la maison, bien sûr, il y a l'ignorance aussi, le manque d'apprentissage des parents, etc. Il y a beaucoup de choses qui viennent qui rentrent comme facteur déterminant dans cela. Mais je ne pense pas que l'un de ses parents dise cette parole-là, par ignorance même, ou même ne sache pas réfuter cette ambiguïté-là. Mais malgré cela, regardez, ce qui a pris le dessus, c'est l'enseignement du maître ou de la maîtresse. J'emploie ce nom. Cette appellation, car c'est l'appellation qui est donnée bien souvent ici à l'école, le maître et la maîtresse. Faites bien attention à cela, Yuel Ikhwa. Ils passent plus de temps que vous avec vos enfants. Je le dis aussi car j'ai été enseignant pendant des années, pendant plus de 7 ans en Égypte. Je passais plus de temps avec les enfants de ses frères et sœurs que eux-mêmes. Faites attention à cela. Bien souvent, on se laisse aller, on ne fait pas attention dans quelle école on met nos enfants, ou soit même on ne s'assoit pas avec eux pour lire avec eux, simplement lire avec eux des traités de la sunna, pour qu'ils grandissent avec cette éducation sur la croyance correcte, sur la voie, la méthodologie correcte. Faites attention à cela, barakallahu fikoum. Et vous avez entendu ici la parole de Cheikh Rabi, hafidhahullah azza wa jalla. Puis il dit, pour terminer, quiconque méprise un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou le déteste à cause d'une erreur de sa part, s'il arrive ou s'il est prouvé qu'un compagnon a commis une erreur, n'en fais pas un rappel, ne le méprise point à cause de cette erreur, dis plutôt qu'il a fait de son mieux, car cela constitue la doctrine des gens de la sunna et du consensus. Ce qui s'est passé comme différent entre les compagnons est la conséquence du meilleur qu'ils ont pu fournir dans la recherche de la vérité. Beaucoup de choses qui leur ont été attribuées sont mensongères. première chose. Beaucoup de choses qui leur ont été attribuées ont subi des modifications d'ajout ou de réduction. Comme l'a énoncé le cheikh de l'islam, cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quant à leurs erreurs qui ont été prouvées, c'est-à-dire qu'effectivement ils sont tombés dans l'erreur, est-ce que les compagnons peuvent faire des erreurs? Bien sûr qu'ils peuvent faire des erreurs, ce sont des hommes, ils ne sont pas infaillibles. Le seul qui est infaillible, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à plus forte raison, les gens qui sont venus après eux parmi les savants de la communauté, ne soient pas fanatiques par rapport à l'avis d'un savant de la communauté, quel qu'il soit, et quel que soit le rang et le degré de science qu'il a atteint. Car si Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu, qui était le meilleur de la communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le plus savant, a pu se tromper sur des affaires religieuses, et bien à plus forte raison ceux qui sont venus après lui. Mais la manière dont tu as de te comporter avec ces erreurs est, comme l'a évoqué Cheikh Rabi ici, le fait de croire fermement que ceci est le meilleur qu'ils ont pu fournir pour arriver à la vérité et que leur recherche était la recherche de la vérité. Quant à leurs erreurs qui ont été prouvées, elles sont semblables à une goutte d'eau dans la mer. C'est-à-dire lorsqu'un compagnon commet une erreur comparée à une de ses bonnes actions, une date qu'il dépense est meilleure que la montagne de Uhud, une date qu'il dépense dans le chemin d'Allah Azza wa Jalla en aumône, comme ceci est rapporté dans ce hadith que j'ai déjà évoqué dans le chapitre précédent traitant de la croyance des gens de la sunna concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu dépenses une quantité d'or équivalente à la montagne de Uhud, et lui, il dépense du blé ayant la quantité de deux mains, d'un moud, de deux mains en écuelle, ou la moitié même de cela, et chez Allah, auprès d'Allah, sa quantité sera meilleure que la montagne de Uhud dépensée en or de ta part, voire toutes les montagnes de cette vie présente. Puis Shir de dire, si tu dépenses la quantité de toutes les montagnes réunies, elle n'atteindra pas la quantité en écuelle de l'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la croyance des gens de la sunna, le fait de ne pas les évoquer en mal, et ceci même s'ils se sont trompés, et de ne pas évoquer les divergences qu'il y a eu entre eux. Les problèmes qu'il y aurait pu avoir entre eux, on ne les évoque pas, on n'en parle pas. Et parmi les preuves de cela, les preuves claires de cela, nous voyons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit, dans le sens de ses paroles, il se peut que Allah azza wa jal, c'est-à-dire Allah azza wa jal, effectivement a eu connaissance des gens qui ont assisté à la bataille de Badr, et il leur a dit, faites œuvrer comme vous le voulez, car je vous ai certes pardonné. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles, n'insultez pas mes compagnons. Il interdit donc d'insulter les compagnons, ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, parmi les signes de la foi, l'amour de Al-Ansar, les auxiliaires. Et parmi les signes de l'hypocrisie, le fait de détester Al-Ansar. Je rappellerai juste une parole ici, pour terminer le cours d'aujourd'hui. Car c'est une chose qui est effective. Bien souvent, comme je l'ai dit à de maintes reprises, c'est pour cela que j'évoque des paroles des gens de l'innovation pour les réfuter. Bien souvent, on lit dans les livres des gens de la sunna des choses, des croyances, que peut-être on n'a pas vues, on n'a pas entendues. Donc à partir de là, on se dit, en fait, ces choses-là, ce sont des choses qui sont évoquées dans les livres, mais qui ne sont pas proches de nous. Vous avez vu, lorsqu'on a réfuté cette secte de Al-Ahbash, peut-être certains d'entre vous n'ont peut-être jamais rencontré quelqu'un qui s'apparente à cette secte, mais ce jour-là, il y avait plus d'une dizaine de vos frères qui étaient venus pour assister au cours, qui eux sont touchés personnellement et qui ont été des personnes qui ont été touchées par les ambiguïtés de l'Ahbash, eux ou les gens de leur famille. Pareil, lorsqu'on parle de As-Soufiya, peut-être que tu ne les vois pas autour de toi, tu ne les as jamais vus déposer le drap blanc après la prière de l'Asr et se mettre tout autour et appeler cela Al-Hadra et penser que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descend et assiste à Al-Hadra au milieu du tapis blanc, du drap blanc. Peut-être que tu ne l'as jamais vu. Va, je ne vais pas vous indiquer quelle mosquée, mais va dans une telle mosquée dans un département voisin, après la prière de l'Asr, tu les trouveras tous les jours faire cela. Ici aussi. Allahu Akbar. Ici, Évry. Hein? À la grande mosquée d'Évry. Dans les foyers, souvent. Mais regarde, à la grande mosquée d'Évry. À la grande mosquée d'Évry, où à l'époque c'était le jeudi. Et maintenant, c'est le samedi ou le dimanche, je crois. L'autre jour, on était allé, Mourola, tu te rappelles, c'était quel jour? C'était un vendredi soir. Avant, c'était le jeudi, où les gens de cette secte, qui est le groupe des Tablir, se réunissent. Ils viennent de partout pour se réunir. Il y a une des personnes de leur groupe qui se lève pour faire ce qu'ils appellent El Bayen. donc ce qu'on traduirait par l'éclaircissement, qui est tout sauf un éclaircissement. Donc, ces choses-là sont des choses qui sont proches de nous, même si tu ne les as pas vues toi-même ou tu ne les as pas entendues toi-même, c'est quelque chose qui est proche de nous. Et peut-être que tu les as vues et que tu ne les as entendues, mais peut-être que par manque de science, tu n'as pas fait attention au fait que ceci vient de cela. C'est pour cela qu'il est important de rappeler certains de ces égarements et de les réfuter. On ne rappelle pas ces égarements et on les laisse comme cela, comme une ambiguïté. Il est important de les réfuter. Et la réfutation de ces ambiguïtés fait partie du plus grand combat aujourd'hui, d'un des plus grands combats que peut mener les gens de l'islam. Réfuter les ambiguïtés et les innovations qui sont rentrées par l'intermédiaire de ces gens dans la croyance et la pratique de beaucoup de nos frères et sœurs. Donc je rappellerai juste pour terminer ici, je rappelle d'un livre, donc un livre que j'ai trouvé à la maison, qui est un livre qui a été écrit par Hussein El-Moussaoui. Et Hussein El-Moussaoui faisait partie des savants de Al-Shia, Al-Rafida, et qui s'est repenti et qui est sorti de cela vers les gens de la Sunna. Je ne connais pas son manhaj aujourd'hui. Ce livre-là est un livre qui est connu chez nos savants. Et pourquoi en fait j'ai pris de ce livre-là, comme vous l'avez vu, lorsque je fais des réfutations, je prends la parole des gens de l'innovation d'après leur propre livre, comme je l'ai fait précédemment par rapport à Soufi, Al-Ahbash, Al-Ikhwan, Al-Tablir, etc. Ici, je n'ai pas voulu rapporter ces paroles-là car elles sont vraiment ignobles sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne voulais pas les écrire et tacher certains de mes cahiers ou de mes feuilles, ou même les rapporter avec l'ordinateur sur une feuille comme cela, et tacher une de mes feuilles par ce genre de paroles-là. Donc j'ai pris ce livre-là, même si ce n'est pas la voie que j'emprunte généralement, je prends directement des livres, ici je prendrai par l'intermédiaire d'un autre livre. Mais c'est bien la parole qu'il prononce sur les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Shi'a, et certaines personnes donnent des paroles qui sont très graves sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai évoqué, qui ne font pas partie forcément de Al-Shi'a. Certaines de ces paroles, je ne peux pas les évoquer. Elles sont trop ignobles sur les héros de l'islam, sur les gens qu'il nous convient de prendre en exemple. Radiallahu anhum ajma'in. Il faut savoir que qui est la personne qui a tué Omar? Radiallahu anhu. Est-ce que vous connaissez le nom de cette personne? C'est la personne qui a tué Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui était la cause, donc il a décédé à la suite de cette blessure. Hein? Non, non. Celui que tu parles, c'était Ali, Ahsant. Et votre frère Zallah Khair, il a évoqué Abdurrahman ibn Mulgim, qui était celui qui a tué Ali. Non, celui qui a tué Omar ibn Khattab, qui l'a poignardé pendant la prière. Hein, son nom, retenez bien son nom, son appellation, quoi, comme ça, sa kunya, Abu Lu'lu'a El-Majusi. Abu Lu'lu'a, c'est cette personne qui a poignardé Omar ibn Khattab radiallahu anhu dans la prière, et ce dernier radiallahu anhu est décédé à la suite de cette blessure. Il faut savoir qu'il y a dans une ville qui s'appelle Kashan en Iran jusqu'aujourd'hui, ça c'est cette personne, excuse-moi Harry, cette personne qui rapporte ça, donc cette personne Moussaoui qui faisait partie de leurs savants. Il y a dans cette ville de Kashan en Iran, un endroit qui s'appelle Barifin, une contrée qui s'appelle comme cela, pas loin de cette ville. Il y a à cet endroit-là, un endroit qui ressemble un peu à ce qu'on appelle le soldat, comment elles disent? Le soldat inconnu? Un soldat inconnu, hein. Donc ils ont fait une statue, etc., etc. Et cet endroit est appelé l'endroit où repose Ibn Shuja' ad-Din. Ibn Shuja' ad-Din, c'est la manière dont ils ont appelé Abu Lu'lu'a El-Majusi. Donc cette personne qui a tué, qui a poignardé le deuxième calife bien guidé, le deuxième plus savant de cette communauté, le deuxième meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont fait un endroit, comme ils le font dans certains pays comme ça, chez le soldat inconnu, donc un mémorial, voilà, c'est le terme, un mémorial, et ils ont enterré cette personne-là, Ibn Shuja' ad-Din. Et qu'est-ce qu'ils font? Des gens vont faire le pèlerinage auprès de cette tombe tous les ans, parmi Al-Shi'a al-Rafida, ceci est leur religion, le pèlerinage auprès des tombes des soi-disant saints, et en particulier donc cette personne-là, et ils l'appellent Baba Shuja' ad-Din. Et ils vont autour de cette tombe et ils tournent autour de cette tombe et ils viennent lui faire des offrandes, etc., etc. Et ils le grandissent. Pourquoi ? Car c'est cette personne qui a poignardé l'un des deux qu'ils appellent les deux idoles de Quraysh, comme on l'a évoqué précédemment. Comme je l'ai évoqué aussi précédemment, cette chose qu'ils font, donc, lorsqu'ils donnent une sucette à un enfant, dès leur plus jeune âge, une sucette à un petit enfant, il lui dit, c'est tu qui t'as donné cette sucette ? C'est Ali qui t'a donné cette sucette. Il est content, il aime Ali par cela. Ils lui reprennent la sucette juste derrière. Là, l'enfant, bien sûr, pleure et n'est pas content. Ils lui disent, c'est tu qui t'as pris cette sucette ? C'est Abu Bakr et Omar. C'est comme cela qu'ils éduquent les enfants. Ils disent de mauvaises paroles sur Abu Bakr, sur Omar, sur Uthman. Je ne peux même pas les évoquer. Sur notre mère Aïcha, radiallahu anha, je ne peux même pas évoquer ces paroles-là. Et elles sont toutes là devant moi. Je ne peux même pas les évoquer. Mais sachez que ceci est une réalité et qu'ils font même des poésies où ils font l'éloge de Ali, radiallahu anha, et Ali, bien sûr, est, comment dire, se désavoue de ces paroles et de cette religion qu'a innové Ash-Shi'a Rafida. Et dans ces mêmes poésies, ils font la critique et le dénigrement, ils insultent les plus grands compagnons de l'islam, radiyallahu anhum ajma'in. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.